Thank you. Hey. Hey. Toutes ces heures, même du rêve, ça me détend. doutait de rien, même du rêve américain. Los Angeles.